force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une année nouvelle avec El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu qui rend des choses impossibles possibles. Je vais dire à quelqu'un, cette année, c'est une année pleine d'espérance. Oui, tu dois cesser de pleurer, tu dois cesser de te lamenter parce que l'Éternel promet de faire de grandes choses pour toi. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire une promesse de Dieu dans Ésaïe 41, 18 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 41, 18 à 20. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et les buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Cette promesse est pour toi qui pleure. Cette promesse est pour toi qui doute, qui a connu des moments difficiles l'année passée. Cette promesse est pour toi parce que l'Éternel promet de faire de grandes choses. Nous allons voir deux grandes vérités dans cette promesse divine. La première vérité, c'est les quatre jeux de Dieu. Il y a quatre choses que Dieu te promet cette année, mon frère, ma sœur. Écoute bien, c'est une promesse que Dieu te donne, que tu dois coller, que tu dois écrire sur les portes de ta maison, même dans ta chambre, pour que tu commences à lire régulièrement, parce que ces choses s'accompliront dans ta vie. C'est pour toi que quelqu'un dit « j'ai saisi ». Le quatre jeux de Dieu. Premier jeu. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Quand Dieu promet de faire jaillir des fleuves, le fleuve symbolise l'abondance, symbolise la bénédiction, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et financier. Est-ce que tu comprends? Ça commence d'abord sur le plan spirituel. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, oui, tu es inondé de telle sorte que des fleuves vont commencer à jaillir. Un jour, Jésus pouvait dire à ses disciples, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » Je vais dire à quelqu'un, « Oui, jusque-là, tu es toujours un chrétien qui est passif, une chrétienne passive, un chrétien passif, une chrétienne passive. » Mais cette année, le Seigneur veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cette année, le Seigneur veut te renouveler une onction particulière, une onction nouvelle, afin que tu sois inondé, afin que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans ta vie, afin que ta vie commence à impacter les autres, commence à impacter les collègues du travail, que ta vie commence à impacter, oui, même ton église, ta famille, là où tu es. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu ne te contentes plus seulement à être le chrétien du dimanche. tu viens, tu ne sers pas le Seigneur. Il faut laisser l'Esprit de Dieu t'inonder, parce que des fleuves d'eau vive vont couler. Et pour que les fleuves d'eau vive coulent, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, des fleuves, je ferai jaillir, des fleuves sur des collines. Oui, le fleuve, c'est aussi l'abondance spirituelle, matérielle, financière. Oui, des fleuves. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction qui va tomber dans ta vie comme une pluie. Et ça va commencer à couler. Parce que le Seigneur te dit, je t'ai béni pour que tu sois une source de bénédiction. C'est-à-dire que quand la bénédiction va déborder, maintenant elle va commencer à couler. Est-ce que tu comprends? Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Les sources vont jaillir, des sources d'abondance. Les gens viendront s'abreuver chez toi maintenant. Souviens-toi de cette femme samaritaine. Jésus pouvait lui dire, femme, l'eau que je te donnerai jaillira comme des sources jusque dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? Tu deviens une source lorsque tu commences à parler de Jésus à d'autres personnes. Lorsqu'à travers ta vie, ton ministère, plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus, se convertissent. Tu deviens une source de bénédiction. Quand tu apprends à soutenir l'œuvre de Dieu, quand tu apprends à partager les bénédictions que Dieu te donne, tu apprends à soutenir les serviteurs de Dieu qui les craignent et qui les servent dans la vérité. Tu deviens une source de bénédiction qu'à partir de toi, de ta vie, l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, il fera jaillir des sources au milieu des vallées. Deuxième jeu, il dit, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Vous voyez, il y a le verbe clé, c'est le verbe changer. Quelqu'un dit changement. C'est-à-dire que cette année, c'est une année de changement. Quand on dit les déserts en étang, cela veut dire les déserts représentent les difficultés. Là où tu as connu seulement l'échec, là où tu as connu tout simplement la déception, le Seigneur promet maintenant le changement. Il va changer tes déceptions maintenant en gloire. Il va changer ton humiliation en gloire. Il va changer tes échecs en succès. Vous voyez, c'est ça, changer le désert en étang. Nous savons tous combien le désert, c'est un endroit aride, un endroit difficile. Mais Dieu dit, il va changer. C'est un miracle. Là où les gens disaient, ce n'est pas possible, toi tu vas seulement demeurer pauvre, Dieu va changer cela. Là où tu es demeuré dans la stérilité, Dieu va changer ta stérilité en fécondité. Il te dit, je changerai les déserts en étang et la terre aride en courant d'eau. La terre aride, c'est-à-dire la terre qui est sèche. Où rien ne peut pousser. Si dans ta vie, dans ton commerce, dans tes affaires, rien n'est prospéré, cette année, je déclare que maintenant, il y a un changement. Parce que la terre aride se changera en courant d'eau. Je vais parler à une femme. Ton restaurant est tombé par terre. Cette année, je prophétise que maintenant, ton restaurant connaîtra encore l'abondance. Il y a une gloire qui va se manifester. Je déclare, toi qui as un hôtel, tu as un complexe hôtelier, ton hôtel sera un hôtel de référence. Cette année, le Seigneur dit, je changerai la terre aride en courant d'eau. Le Seigneur va t'envoyer la clientèle. Tu vas avoir des marchés nouveaux, des marchés qui viendront de l'extérieur du pays. Parce que c'est l'Éternel qui te dit, il va faire ces changements-là. Est-ce que tu comprends? Toi qui es chef d'entreprise, à cause de Jésus, il dit, il va changer la terre aride en courant d'eau. Ton entreprise sera exceptionnelle. Ton chiffre d'affaires va doubler. Je prophétise. Oui, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Parce que Dieu dit, je changerai la terre en ride en courant d'eau. Troisième jet, il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, les myrtes et l'olivier. Vous voyez, dans le désert, rien ne pousse d'habitude. Parce que le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Mais lorsque Dieu promet de faire jaillir des fleuves, il promet maintenant de mettre le cèdre. Vous savez, le cèdre, pendant ce temps-là, faisait partie des arbres les plus solides. Parce que quand quelqu'un avait des meubles de cèdre du Liban, c'était de bois solide. On parle de cèdre, on parle de l'acacia. Ça nous renvoie à l'Arche de l'Alliance. La plupart des matériaux étaient en bois et en or. On parle de l'acacia, c'était un bois spécial. Le myrte, l'olivier. Vous voyez, c'est l'olivier qui produit de l'huile d'olive. Et nous savons ce que vaut l'huile d'olive, une huile qui est sans cholestérol. C'est une huile de qualité. Le Seigneur promet donc l'abondance. Il dit, il va mettre là où il y avait les déserts, là où il n'y avait rien. Il va faire pousser des choses précieuses. Est-ce que tu comprends? Il va mettre des choses précieuses. Là où il n'y avait rien, les choses vont pousser. Et puis, le quatrième jet, il dit, je mettrai dans les lieux stériles le cypress, l'orme et les buis, tous ensemble. Les lieux stériles, oui, là où il y avait la stérilité. Tu étais stérile sur les plans spirituels, rien ne marchait. Tu étais stérile dans tes affaires, rien n'avançait, rien ne poussait. Mais le Seigneur va mettre dans tes lieux stériles la richesse, la gloire, l'argent, les finances. La prospérité, c'est ça. Quand il dit, je mettrai dans le lieu stérile le cypress, l'orme et le buis. Même toi qui es stérile sur le plan physique, femme, le Seigneur va changer. Dans tes lieux stériles où tu n'avais pas d'enfants, le Seigneur il va te donner des enfants. Parce que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Il va changer ta stérilité en fécondité. Deuxième grande vérité, c'est le but pour lequel le Seigneur promet de faire toutes ces choses. Le verset 20 dit, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Il y a quatre verbes principaux. Dieu dit, il va faire toutes ces choses-là, tous ces changements, toute cette abondance qu'il va déverser sur toi, afin qu'ils voient. Quand il parle de voix, il s'agit de tes ennemis. C'est-à-dire que les gens qui te bloquaient, les gens qui te combattaient, les gens qui disaient, elle est finie, il est fini. Mais Dieu dit, afin qu'il voie. Je vais parler à quelqu'un. Ne souhaite pas la mort de ton ennemi. Il faut qu'il voie. Je parle à toi. On t'a bloqué depuis longtemps, jeune fille, jeune dame. On a bloqué ton mariage. Cette année, tes ennemis verront ton mariage. Ils verront comment tu seras maquillé. Ils verront la limousine dans laquelle, oui, on va te mettre. Ils verront afin qu'ils voient. Quelqu'un dit, ils verront afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient. Oui, toi qui ne voyageais pas, tu étais bloqué. Tu ne pouvais pas voyager. Tu ne pouvais pas aller en France. Tu ne pouvais pas aller aux États-Unis. Tu ne pouvais pas aller à Dubaï. Mais cette année, le Seigneur fera en sorte que tu seras dans les deux avions afin qu'ils voient. Que tu dises, afin qu'ils voient. Ils verront. Ils vont se demander comment se fait-il. On dit afin qu'ils voient. Deuxièmement, afin qu'ils sachent. Il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est au-dessus des pouvoirs de la sorcellerie. Il y a un Dieu qui est au-dessus des pouvoirs du mysticisme. Il y a un Dieu qui bénit. Car la Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait sur d'aucun chagrin. C'est pourquoi ils doivent savoir qui est Dieu et comment il agit. Troisième verbe, afin qu'ils observent. Voyez, tes ennemis vont commencer à observer. Ils vont commencer à dire, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est celui qu'on voyait là? Ils vont commencer à regarder. Quand ils vont voir ces changements, ils vont voir comment ta maison sera métamorphosée. Quand ils vont voir la nouvelle voiture que Dieu va te donner cette année, ils vont observer cela. Ils vont constater cela. Et on dit, afin qu'ils observent et qu'ils considèrent. Quoi? Que la main de l'Éternel a fait ces choses. C'est-à-dire le but de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses te glorifier, mais pour que tes ennemis reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est derrière toi, qui te soutient, qui fait ces choses, pour qu'ils puissent se tourner à lui, pour qu'ils puissent abandonner les fétiches, la sorcellerie, la méchanceté, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui bénit. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il leur fait suivre d'aucun chagrin. Qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques pour lui. Ton nom est infini, mon grand. Alléluia. Élève ta voix. Commence à bénir l'Éternel pour toutes ses promesses qu'il t'a faites. Il est le Dieu fidèle. Te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui inondes nos vies du Saint-Esprit de vie. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta main puissante qui transforme la malédiction en bénédiction, la stérilité en fécondité. Oh, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Oui, tu es celui qui transforme la terre aride en courant d'eau. Tu es celui qui bénit, rien ne peut te résister. Oh, béni sois-tu notre Seigneur, toi qui transformes nos vies en source d'eau. Merci de faire jaillir en nous le Saint-Esprit de vie, afin que nous puissions te servir avec vie. Merci, ô Père. Toi qui transforme la déception en gloire, nous voulons maintenant te prier afin que cette année 2016 soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année de service et que tout ce qui nous a caractérisé l'année passée, qui ne t'a pas honoré, soit enterré avec l'année 2015 et que cette année, l'année 2016 soit une année de gloire, une année de bénédiction, une année où le Saint-Esprit nous conduira pas à pas. Oui, glorifie-toi, ô Père, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, la promesse, c'est Ésaïe 41, 18 à 20. Nous venons de voir que Dieu promet de faire jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux que cette année, cette promesse s'accomplisse. Fais jaillir des fleuves, des sources dans ma vie. Je veux devenir une source de bénédiction. Que l'abondance puisse inonder ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, en ce début d'année, nous te louons. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que ta miséricorde dure à toujours. Nous te louons et nous te rendons grâce pour tout tes hauts faits dans notre vie tout au long de l'année 2015. Nous prions au Père éternel et nous te présentons cette nouvelle année. Et nous demandons que l'abondance puisse inonder notre vie. Nous demandons au Père éternel que l'excellence puisse nous accompagner dans tout ce que nous entreprenons. Multiplie les œuvres de nos mains. Multiplie ta faveur à notre égard. Guide-nous tout au long de cette année. Instruis-nous comme tu l'as toujours fait. Et que ton amour ne se départisse jamais de notre vie. Oh Dieu, nous crions à toi, nous crions notre reconnaissance et nous demandons, Père, que tu fasses en sorte que nous soyons toujours une bénédiction dans tout ce que nous entreprenons, une bénédiction dans nos familles, une bénédiction dans notre lieu de travail, une bénédiction dans notre ministère. Que ton nom soit béni au Père éternel, que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom pour tes hauts faits, pour tes grandes réalisations. Merci, parce que nous avons cette assurance que tu nous soutiendras tout au long de cette année. Et quelle que soit la nature des obstacles qui pourront venir contre nous, nous serons toujours une bénédiction et nous aurons la main élevée au-dessus de nos adversaires. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Dieu dit, je changerai le désert en étang. Tu vas prier pour qu'il y ait un changement, pour que tes déceptions se transforment maintenant en victoire, que tes défaites se transforment en victoire, que ton humiliation se transforme en gloire, que ta pauvreté se transforme en prospérité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te remercier ce matin, te louer ce matin, t'adorer ce matin, t'acclamer ce matin, te magnifier ce matin, reconnaître ta seigneurie, ton autorité, ta suprématie. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose vient à l'existence. Tu n'es pas un homme qui ment, ni le fils d'un homme qui change des décisions, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Gloire à toi. N'as-tu pas dit dans Ésaïe 62, à partir du verset 4, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolante, désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu vas transformer nos pleurs en joie. Nos solitudes, ô Dieu Tout-Puissant, tu vas les combler notre solitude. Tu vas transformer le désert en étang. Tu vas transformer nos souffrances en bénédiction. Parce que lorsqu'il y a des nuages, beaucoup de nuages, il y a des grosses pluies. Et nous savons que nous recevons maintenant, parce qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre, un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi. parce que notre Dieu, les maux que nous avons se transforment en guérison maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu mette toutes sortes de bénédictions. Il dit, je mettrai dans les déserts les cèdres, l'acacia, hein, les bois. Je mettrai dans les lieux stériles. Il va mettre l'abondance. Tu vas commencer toi-même à dire ce que tu veux que Dieu mette. Hein. Tu vas décrire. Tu vas dire, Seigneur, mets voiture maintenant. Seigneur, mets terrain. Mais Seigneur, donne le voyage. Seigneur, donne les visas. Tout ce que tu désires maintenant, dans ton salon, donne la télé, donne une nouvelle voiture, donne ceci, donne la réussite à mes enfants. C'est ça. Tu vas demander tout ce que tu veux que Dieu mette maintenant, là où il y avait ton désert là, afin que les gens voient, sachent, qu'ils observent, qu'ils considèrent que c'est lui qui est l'auteur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh, espération sur la brèche. Seigneur, je te rends grâce et je t'apprécie pour ce nouveau joyeux mois et pour cette année d'alliance, de manifestation de ta gloire que tu nous donnes. Merci pour la vie et tu fais de nous des canaux qui procurent la vie, la paix. Merci parce que cette année, c'est notre année, c'est mon année d'établissement spirituel. C'est mon année d'engagement avec toi, de sainteté, de pureté. Ou Père, ton doigt est visible dans ma santé. C'est mon année de santé. C'est mon année de provision surnaturelle. C'est mon année de grâce sur grâce. C'est mon année de visitation, de fécondité, de procréation au nom de Jésus-Christ. C'est mon année de voyage. C'est mon année de consécration. C'est mon année de vrai pour toi, pour que des âmes soient sauvées, soient gagnées. C'est mon année où, Seigneur, chaque jour, je marche, je vis, je médite ta parole. C'est mon année de foi, de marche glorieuse avec toi. C'est mon année où ma joie connaîtra point de limite. C'est mon année, ô Dieu, de liberté, de toute expression de maléfique du diable. C'est mon année de visitation, oui, divine. C'est mon année de changement de situation soudaine. C'est mon année où mes amis, mes connaissances me verront et ils diront, ça c'est le doigt de Dieu qui opère dans sa vie. C'est le doigt de Dieu qui se manifeste. Cher Saint-Esprit, merci d'être mon partenaire. Merci de visiter quelqu'un. Merci de visiter quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne et nouvelle année 2016. C'était OSB. Au revoir et à demain. Du Seigneur, à nous la puissance.